savoir pourquoi les pharisiens s'opposèrent à Jésus. Veux-tu savoir comment fut leur essence? Ils étaient pleins de fantasmes concernant le Messie, croyant seulement dans sa venue. De vérité, de vie. Ce peuple sauté-tu et ignorant, pouvait-il être béni par Dieu? Comment aurait-il pu contempler le Messie? Ils s'opposèrent à Jésus car ils ne savaient pas la voie de vérité qu'il dit. Ne comprenaient pas le Messie ou l'œuvre du Saint-Esprit. Ne l'ayant jamais vu fréquenter, il rendait un hommage vide à son nom. En s'opposant à son essence, puisque vous ne comprenez pas Jésus-Christ. Peux-tu discerner